donc un peu les filles. Allez, on va ah. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme était née dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de RIG 90.7 de la bande FM et RIGFM.fr. Ici, tous les mercredis de 22h à minuit, on écoute du Johnny dans l'émission Johnny de A à Z. Je suis très très heureux de vous retrouver, installez-vous bien et parlez-en toujours autour de vous cette émission hein, qui est nulle part ailleurs que sur RIG. Bon, il y en a d'autres sur d'autres radios. Hein, c'est, en plus, c'est des copains. Bon, et vous pouvez les écouter aussi. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'album Lorada qui date de 1995. Lorada, qu'est-ce que c'est? Ah ben, c'est la contraction des deux prénoms des enfants de Johnny Hallyday, Laura et David, et qui donnera également le nom de sa villa à Ramatuelle. L'idée de départ de Goldman pour cet album Lorada est de faire un album acoustique, un unplug à la mode dans les années 90, comme avait pu faire Eric Clapton, Nirvana, Bruce Springsteen à la télévision, hein, donc sur MTV. Ces émissions avaient fait des cartons d'audience. Donc, l'équipe se rend à Ramatuelle, à la Lorada, chez Johnny pour l'y enregistrer. Et apparemment, Johnny en a eu marre assez vite et veut rebrancher les guitares et plus s'inspirer du groupe Bon Jovi. Et donc, il décide de repartir sur Paris, à Suresnes, au studio de Guillaume Tell avec toute l'équipe. Sur le coup, Jean-Jacques Goldman lâche un peu l'affaire et confie à Eric Benzi les commandes de l'album Lorada. Jean-Jacques Goldman garde la production artistique et Chris Kimsey s'occupe du mixage. On attaque tout de suite avec le premier extrait de cet album-là, la micro-chanson Lorada, avec tous les titres de l'album Lorada, enchaîné avec le titre « Est-ce que tu me veux encore ?». Bonne soirée à toutes et à tous, vous écoutez Johnny de A à Z. J'avais un rêve à faire, ami, je voulais rester libre, mais je l'ai croisé un matin, dans le regard des autres. Oh, Lady Lucille, tout feu, toute femme, est-ce que tu me veux encore quand le masque tombe? J'avais un rêve à faire, ami, je voulais rester libre, mais je l'ai croisé un matin dans le regard des autres. Oh, Lady Lucille, tout feu, toute femme, est-ce que tu me veux encore quand le masque tombe? Oh, ne m'oublie pas et aime-moi. Je t'emmène chercher les anges. Lorada. Thank you. facile. Tu es bien trop belle et trop fine pour être vraiment si docile. Tu triches bien, je te devine. Ouais, juste un mot à dire, ainsi soit-il. Est-ce que tu me veux? Je m'en vais pour un soupir de lassitude. Tu ne me comprendras jamais. Pour moi, c'est comme une habitude. Je rêve encore l'amour entier sans l'addition de solitude. Je ne sais rien vivre à moitié. Pour moi, c'est la seule certitude. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Allez, on retrouve Johnny Hallyday en live à La Rochelle, au Francofolies. C'était en 2015 et exactement le 14 juillet. Certainement la plus émouvante. Car dans tes mains je meurs chaque soir. Mais je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et attendre la vie et ne plus m'essouffler tous tes cris. Et qui veut ma place. Petits ans de chaîne sont... fait tellement de temps que l'on navigue ensemble. Ça ne finira jamais. Johnny et les années 60. Elle reviendra. Oui. Oui. Demain, elle reviendra. Oui, oui, oui. Je l'espère. Sinon, je n'ai plus rien. Plus rien. Elle reviendra. Oui. Johnny, elle reviendra, extrait album Génération perdue. Vous écoutez RIG et la radio de Johnny Hallyday tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Aujourd'hui, on parle de l'album Lorada qui est sorti donc le 19 juin 1995. L'album est enregistré donc à la Lorada et à Guillaume Tell en avril, mai, juin 95. Il sortira dans les bacs le 19 juin. Les musiciens sont principalement ceux qui ont participé à la tournée Rough Town, Robin Mesurier, Phil Soussan, Ian Wallace, Jim Prime, Christophe Dupeux et évidemment les membres du groupe Canada qui composent principalement les titres de cet album, avec Gildas Arzel, Jacques Vénérousseau et Eric Benzi, et Jean-Jacques Goldman participera au chœur ainsi qu'à l'écriture de deux titres. Tant que le sang coulera dans mon corps, j'irai voir à l'envers du décor, m'étonner toujours et encore. Tant que je pourrai le dire, tant que des voiles m'attendront dans les ports, j'irai voler mes rêves à la mer pour chasser. entre ses heures de misère, à rester sur le bord d'un trottoir. Je pourrais aussi me taire quand les mots parlent plus fort que le vent, quand il y a tant de choses à faire, et même si personne ne m'attend. À présent, on arrive à la version originale adaptée pour Johnny Hallyday. En fin de compte, c'est une chanson qui a été écrite par Gidas Arzel du groupe Canada. Il a écrit le titre Un rêve à faire. Et sur l'album Lorada, Gidas Arzel a composé 4 titres. Est-ce que tu me veux encore ? Lady Lucille, Un rêve à faire et aussi le titre Ne m'oublie pas qu'il avait chanté avec le groupe Canada en 1989. Je vous propose de revenir, d'écouter la version de Gidas Arzel lors du festival Country Rendez-vous à Craponne en 2017. Il était accompagné de Eric Sidbon ainsi que le groupe The Ghost Band. Voici tout de suite Gidas Arzel, Un rêve à faire. Abandonne et pourtant sur terre. Mais j'ai toujours à le faire. Moi j'ai toujours à le faire. Moi j'ai toujours à le faire. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve notre héros à Bercy avec un titre qui figure sur l'album Lorada. Voici tout de suite Lady Lucille, Johnny Hallyday en 1995. Johnny et les années 70. C'est ça, un vieux rocker, c'est jamais fini. Hein. Je ne suis pas cette photo qu'on accroche au mur.

y en a des obliques, ceux des chiens de faïence. Il y a des regards suppliques, il y a le regard offense. Il y a du désir, oh, de l'envie, du mépris, et parfois du plaisir. Parfois c'est ce que j'ai dit. C'est... Il y a eu des appels plus stridents que des cris, des phrases plus belles, plus sûres que par écrit. Ils te disent l'amour ou ils te disent la haine. Bien mieux qu'aucun je t'aime, oh, bien mieux qu'aucun discours. Tu peux changer de pays, même changer de visage, mais ton regard te suit, s'il est comme un tatouage. Tu m'aimes les plus sains, avec besoin d'apôtre, c'est que personne n'est rien sans le regard des autres, sans le regard des autres. Oh non. Il y a ceux qui te cherchent. Ce que tu espères, et tout ce qui te manque, regarde-moi dans les yeux. Allez, on retrouve tout de suite Antoine Decaune et l'Odyssée de Johnny Hallyday avec le titre Pour moi, tu es la seule. L'Odyssée, Johnny Hallyday. L'Odyssée de Johnny Hallyday en 130 épisodes, c'est un voyage parmi les plus grandes chansons de celui qui, en mars 2010, fêtait le 50e anniversaire de son incroyable carrière discographique. Cette fois, nous allons remonter au tout début de l'année 1964, au moment où Johnny bouleverse ses fans en interprétant à sa manière un blues poignant. Excuse-moi, partenaire, avec beaucoup d'aplomb, de force et de crédibilité aussi. Son cœur disait c'est fini. Ses pleurs ont suivi, oui, suivi. Et excuse-moi, partenaire, de t'interrompre ainsi. Cette chanson est l'adaptation d'un titre du chanteur-guitariste afro-américain Johnny Guitar Watson, qui présente l'amusante particularité d'avoir connu deux carrières. La première comme chanteur blues et rhythm and blues, la seconde comme musicien funk flamboyant. En 1962, excuse-moi partenaire, Johnny Guitar Watson chantait Cutting In. C'est à nouveau vers Johnny Guitar Watson que notre Johnny à nous se tourne lorsqu'il s'intéresse de très près à la chanson Sweet Loving Mama. Cause you're my sweet loving mama. Say you're my sweet loving mama. Yeah, yeah. got the kind of kissing that I can't do without you, my sweet loving mama. Adapté en français par le fidèle Georges Haber, Sweet Loving Mama devient Pour moi, tu es la seule. Comme Excuse-moi partenaire, l'enregistrement musclé à souhait est réalisé à Nashville en octobre 1963 au studio d'Owen Bradley sous la direction de Shelby Singleton avec des virtuoses du cru. Notez que nous sommes en 1963 et qu'à cette date, les Rolling Stones qui débutent n'ont pas encore balancé leur version du rhythm and blues qu'ils vont faire aimer au jeune public rock. En somme, Johnny les devance. Sans rythme lassé, c'est me troubler. Sans rythme embrassé, me fait crier pour moi. Comme vous l'entendez sur cet enregistrement réalisé au Palais Omnisport de Paris-Bercy en 1992, Johnny a longtemps gardé « Pour moi, tu es la seule » dans son répertoire de scène. Quand est publiée la première version en juin 1964, Johnny est alarmé. Il ne peut en assurer la promotion par des concerts, mais le disque marche bien et suscite même des copies, y compris par un certain André Vasseur. Car pour moi, tu es la seule. Que si jolie, mieux que ce fille dans les journaux. Quand on voit les garçons arrêter leurs autos, on devrait interdire d'être belle comme ça. Laisse-moi te dire enfin toute ma joie, car pour moi tu es la seule. J'avoue que je me souvenais mal de cette version d'André Vasseur. En revanche, je me rappelle très bien de ce disque de Johnny, et je ne suis pas le seul. J'en ai vu beaucoup, dis-toi, de ville en ville, mais jamais sur mon chemin une fille comme toi. Trouver mieux cela me paraît difficile. Laisse-moi te dire qu'il n'en existe pas. Car pour moi tu es la seule. La seule. Yeah yeah. Ta façon oui de m'enlacer, c'est me troubler. Ta façon oui de m'embrasser, me fait crier. Pour moi tu es la seule. Car pour moi tu es la seule. Si jolie, mieux que ces filles dans les journaux. Pour te voir, les garçons arrêtent leur auto. On devrait t'interdire d'être belle comme ça. Laisse-moi te dire enfin toute ma joie. Car pour moi, tu es la seule. Vraiment la seule. Moi, tu, ta façon de me regarder, c'est me charmer. Passons oui de murmurer, mais fais rêver. Pour moi tu es la seule. Car pour moi tu es la seule. Garçons, arrête le roto. On devrait t'interdire d'être belle comme ça. Laisse-moi te dire enfin tout est ma joie. Car pour moi tu es la seule. La seule. Yeah yeah. Ta façon de me regarder, c'est me charmer. Ta façon oui de murmurer, me fait rêver. Pour moi tu es la seule. Johnny Hallyday. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut maintenant. Alors on vient à l'album de la semaine qui est Lorada et qui est sorti le 19 juin 1995. Tout à l'heure on parlait donc d'un titre écrit par Jean-Jacques Goldman. Là on va écouter le second qui est Je la croise tous les matins. Et donc cet album sera toujours et avant tout dominé par cette chanson plus saillante que les autres. Et ce premier single extrait de l'album Lorada est sorti le 6 juin 1995. Je la croise tous les matins. 5h40, elle va prendre son train, et moi je rentre.

Johnny et Eddie Mitchell sont en train de diriger dans l'émission Johnny de A à Z. On revient à l'album de la semaine qui est sorti le 19 juin 1995. Nous allons écouter le titre Quand le masque tombe et le single sort le 11 octobre et reçoit lui aussi un accueil favorable du public. Quand la nuit est loin, quand le masque Vous écoutez toujours RIG, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi soir, de 22h jusqu'à minuit. Et vous êtes dans l'émission Johnny de A à Z, bien entendu, avec l'album de la semaine qui est Lorada. À présent, nous allons revenir un peu aux versions originales d'adaptation pour Johnny. Et là, c'est une petite variante, car ce n'est pas vraiment une version originale adaptée pour Johnny. Non, non, c'est une écriture pour Johnny et pour Sylvie Vartan. C'est le titre Rock'n'Roll Man qui a été écrite par Tommy Brown. Et c'est une chanson qui a été interprétée donc par Sylvie et Johnny en 1974. Présente sur l'album La Reine de Saba en 1974, Sylvie Vartan l'enregistre en anglais et la version de Johnny Hallyday sur des paroles françaises de Michel Mallory ouvre l'album Rock and Slow. Et le compositeur Tommy Brown enregistre également Rock and Roll Man dans sa version anglaise en 1975 sur l'album sobrement intitulé Tommy Brown. Voici tout de suite la version, il existe une version française de ce titre-là qu'on écoutera ultérieurement, mais voici la version anglaise de Rock'n'Roll Man by Sylvie Vartan. Ouais, ouais, ouais. Rock and roll man, rock and roll. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve Johnny à Bercy en 1995 et un titre qui figure également sur l'album de la semaine, Lorada. Voici tout de suite, Chercher les anges. We'll be right back. Johnny et les années 60. Ouais, comme l'homme a besoin de la terre qui lui prodigue tous ses fruits. Ouais, l'enfant a besoin de sa mère pour ses premiers pas dans la vie. Comme chacun a besoin de l'autre, ouais, pour s'entraider au long des jours. Puisque je suis comme les autres, moi j'ai besoin de ton amour. Ouais, moi j'ai besoin de ta présence pour embellir mon existence. Moi j'ai besoin de ta tendresse, de me gruser de tes caresses. Moi j'ai besoin que tu m'enlaces pour mieux te sentir tout en moi. Moi j'ai besoin que tu m'embrasses, moi j'ai toujours besoin de toi. Comme l'oiseau a besoin d'espace pour se mouvoir en liberté. La plume a besoin de grimaces pour amuser l'humanité. Ouais, comme le besoin est chose humaine, les besoins nous prennent toujours. Pour ne jamais avoir de peine, moi j'ai besoin de ton amour. Ouais, moi j'ai besoin de ta présence pour embellir mon existence. Moi j'ai besoin de ta tendresse, de me griser de tes caresses. Moi j'ai besoin que tu m'enlaces pour mieux te sentir tout en moi. Moi j'ai besoin que tu m'embrasses, moi j'ai toujours besoin de toi. J'ai besoin de ta présence pour embellir mon existence. Moi j'ai besoin de ta tendresse, de me griser de tes caresses. Moi j'ai besoin que tu m'embrasses pour mieux te sentir tout en moi. Moi j'ai besoin que tu m'embrasses, moi j'ai toujours besoin de toi. Encore une fois, j'ai besoin de ta présence pour embellir mon existence. RIG, la radio de Johnny Hallyday, tous les mercredis de 22h à minuit dans Johnny de A à Z. On revient à l'album de la semaine qui est Lorada. Et voici un titre qui est une petite balade country, on va dire, hein, tout en délicatesse que Johnny nous chante comme si nous étions autour d'un feu de camp. C'est le titre « Aime-moi ». Une vie pleine et entière d'espoir, de peine et d'excès. Une vie pleine de lumière qui meurt avant de briller. Et toi, reste un peu pour la soirée. Et tout est passé si vite, mais je suis parti sans la clé. Vers tous ces cœurs qui m'invitent, j'ai pas vu la fin de l'été. Et toi, reste un peu, il faut parler. Il y a tant de routes dans ma tête qui m'éloignent de tes bras. Et comme un geste qu'on regrette, je me sais si loin de toi. Oh, aime-moi, aime-moi. J'ai pas toujours été maître, mais j'ai pas toujours su donner. Et si les erreurs s'achètent, j'ai pas eu besoin de payer. Mais toi, reste un peu à mes côtés. Je veux gommer sur tes ailes et le silence et les années. Et si les mots sont des perles, je t'offrirai des colliers. Mais toi, reste un peu, reste à jamais, à jamais. Il y a tant de cris dans ma tête qui m'éloignent de ta voix, et qui de phrases qu'on jette, je me sais si loin de toi. Oh, aime-moi, et aime-moi. Allume les petites braises qui dorment dans tes yeux. Oui, y a bien trop de gens qui meurent sans toucher tes cheveux. Aime-moi là comme je peux le faire avant qu'on vive vieux. Si j'ai su te perdre, je saurai me taire. Et aime-moi, aime-moi, aime-moi. Je me sais si loin de toi. Mais aime-moi, aime-moi. Je me sais si loin de toi. Mais aime-moi, aime-moi. Aime-moi. Ça ne finira jamais. Johnny et les films. Un petit rappel de l'émission de la semaine dernière. Et les années 70. Je pense que je suis un chanteur de variété, revu et corrigé par le rock'n'roll, mais je ne suis pas un chanteur de rock'n'roll pur. RIG, la radio de Johnny Hallyday. On revient à l'album de la semaine qui est Lorada, sorti le 19 juin 1995. La villa du sud de Johnny, la Lorada, est à l'origine donc de ce projet qui n'est pas un mince paradoxe. Prendre une guitare sèche, un harmonica et trois fois rien de pédale Charleston et choisir Bercy pour faire sonner tout ça. Lorada est un album cocoon et c'est très à la mode en ce milieu des années 90. Sauf que le cocon et Johnny Hallyday, c'est une rime pauvre. Ça n'a guère de chance de vivre longtemps ensemble. On craignait pour Lorada et Lorada s'est imposé, tranchant comme un coup de Mistral. Lorada, bien qu'étant l'un des disques les plus secrets et les plus cotés qu'ait jamais enregistré Johnny Hallyday, il a rencontré un succès gigantesque, platiné sous toutes les coutures. Prétexte de tournée à guichet fermé, le fameux Lorada Tour, avec ses dates doublées, voire triplées dans la plupart des villes. Voici pour finir en beauté cet album de la semaine, voici Tout Feu, Toute Flamme. Fais-moi bouger, fais-moi danser, fais-moi tomber s'il le faut, je me relèverai assez tôt. Ouais. Fais-moi rêver, ah, fais-moi aimer, fais-moi souffrir s'il le faut, je m'en remettrai assez tôt. Mais ne reste pas toujours en arrêt figé, bloqué, immobile. Fais ce que tu veux, mais fais bouger mon âme. Oh, fais ce que tu veux pour allumer la flamme. Oui, fais brûler mes yeux, montre ton vrai visage. Oh, va où tu veux, mais reviens-moi sauvage. Plus rien ne te condamne. Sois tout feu, toute femme. Toute femme. Fais-moi voler. Fais-moi ramper. Fais-moi couler s'il le faut. Je m'en sortirai assez tôt. Fais-moi crier. Fais-moi murmurer. Fais-moi pleurer s'il le faut. Je me consolerai assez tôt. Mais ne reste pas toujours en arrêt figé, bloqué, immobile. truc à vous dire. Au revoir, baba, loubaba, la bim boum. Johnny et les années 80. En tout, Johnny a aidé sur Rock'n'Roll Attitude avec Pendu à mon cou. Pendu à mon cou, et la tente je la caresse, et la tente je joue, je sois en état d'ivresse, parce qu'elle aime ça, elle me pardonne tout, même les pires maladresses. Que j'ai eu d'autres maîtresses. Elle est avec moi. Jamais vu personne comme elle. Jamais rien ni personne comme elle. Jamais aussi fidèle. Pendu à mon cou, elle demande promesse. Elle a connu tout, toutes mes joies et mes tristesses. Serrée dans mes bras, elle me suit partout, dans tous mes changements d'adresse. Quand la vie se coud, elle redouble de tendresse. Mais serrée contre moi, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve une dernière fois Johnny Hallyday à Bercy en 1995 et ce titre sublime. Ne m'oublie pas, Johnny Hallyday à Bercy est sur Érigé dans l'émission Johnny de A à Z. Silence, ça ne dure

ne m'oublie pas. Ainsi s'achève cette émission Johnny de A à Z avec l'album de la semaine Lorada. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec... Eh bien, je crois bien que ce sera un live, hein, cette fois-ci. Hein, je crois que c'est ça. Hein. Je remercie toutes et tous d'avoir participé, d'avoir écouté cette émission. Et surtout, parlez-en autour de vous. C'est ici, tous les mercredis soirs, sur l'antenne de RIG, de 22h à minuit. Et l'émission s'appelle Johnny de A à Z. À bientôt, toutes et à tous. Ciao, ciao.